Ça alors, pas possible. Mais c'est Franck Pasquier. Oui, oui, c'est bien moi. Mais toi, Guillaume, qu'est-ce que tu fais ici? Tu habites à Cahors maintenant? Non, non. Je suis arrivé ce matin, mais je ne vais pas rester longtemps. Et je suis venu voir mes parents, et je repars lundi prochain. Et toi, comment ça va pour toi? Très bien. Mais dis, il y a combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Ouh, attends. 20 ans environ, non? Tu n'as pas changé. C'est incroyable. Remarque, toi non plus. Dis-moi, qu'est-ce que tu es devenu, le matheux? Rappelle-toi, on a passé le bac, et je suis parti à la fac. D'abord à Toulouse, et après à Lyon. Et j'ai fait un master de maths. Voilà, maintenant, je suis prof dans un lycée près d'Auxerre. Et toi, toujours sportif? Qu'est-ce que tu fais? Non, je ne fais plus beaucoup de sport. Moi, j'ai pas voulu faire d'études. J'ai préféré la vie active. J'ai fait un stage d'informatique, et quand mon père a eu 60 ans, j'ai repris son commerce, et ça marche bien. Très bien. Et dis-moi, tu es marié? Tu as des enfants? Oui. Je me suis marié en 95, et j'ai eu 2 enfants, un garçon et une fille. Moi, je n'ai pas eu de chance en amour. J'ai rencontré une fille, mais ça n'a pas marché. Enfin, je n'ai personne dans ma vie pour l'instant. Oh, ça, on ne sait jamais. Tu es encore jeune et beau. Oh, midi 10, excuse-moi, je suis pressé. Je vais chercher mon fils à l'école. Voici ma carte de visite. Appelle-moi, je voudrais te présenter ma famille. Oh, avec plaisir. Entendu. Je te passe un coup de fil.